Le best-of dont va se marrer. On va se marrer. Le best-of. Le best-of. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Alors à ma droite, ils ont donc tous lancé des sites internet. Le premier d'entre eux, son site c'est mesblaguesontcoupées.com, Bob du club. Salut les filles. Là, parce que quelquefois les blagues de Bob sont tellement nulles qu'elles sont coupées au montage. Enfin, disons qu'elles sont rarement bonnes, donc on les entend jamais. À ses côtés, je sais pas si je vais rester d'ailleurs. À ses côtés, lui aussi, il a son site internet. Notez-le bien, c'est gnignignignio.com. Maurice. Bonsoir à tous. Te laisse pas faire, Maurice. Et enfin. Attends, moi, ce que j'aime bien, les auditeurs ne le voient pas. Ce que j'aime bien, c'est l'élan que prend Maurice pour applaudir. Ce geste, il fait comme. Ah. Ah non, on dirait Carl Lewis. Ah ouais, mais il se droguait, hein. Et enfin, troisième membre de l'équipe, lui aussi il a son site internet et je suis sûr que vous avez deviné le nom du domaine. C'est No Smoking. Pas du tout, connasse.com, ah ouais. C'est GG. Oui, il faut que tu précises, Philippe, que c'est le job des invités de comptabiliser le nombre de connasses que GG dit dans la soirée. Voilà, oui, oui. Presque pas dit la semaine dernière. Non, 12 fois. Voilà. Face à eux, lui aussi, il a son site internet. Je crains le pire. C'est mamaindantagueule.com. Exactement. Voilà, Frédéric Koester. Et l'émission sera réalisée, comme chaque semaine, par Dave. Et il n'a pas de site internet, lui. L'émission sera présentée, si tu me permets, Bob. Animée, oui. Par quelqu'un qui, lui aussi, a son site internet, sombridio.com. Philippe Bello. Merci. Alors, cher Frédéric. Ou pauvrecon.fr. C'est une filiale. Tu nous as amené des invités cette semaine. Et oui, cette semaine, nous recevons Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir Françoise, tout d'abord. Une très belle blonde qui doit plaire à Bob. Ah oui, excellent. Voilà. Excellent. Des yeux extraordinaires. Voilà. Un sourire à tomber. J'ai bien fait de venir. Oh. Et en plus, c'est un bon coup. Elle est charmante. Alors, et en plus, alors, c'est un bon voilà. coup, dit-il. Écoute, une précision importante oui, de la part de Fred. Ne t'inquiète pas, dans l'équipe d'en face, t'en as deux que ça intéresse pas et un qui peut plus. Donc, Donc, et aux côtés de Françoise, donc bonsoir Loïc. Bonsoir, bonsoir. Donc, bienvenue dans cette émission de débile. De ce traquenard. De ce traquenard. Moi aussi, j'ai des jolis yeux. Oui. Ah, alors là, peut-être que Fred va te dire quelque alors, chose. Alors, t'inquiète pas, en face, t'en as un que ça intéresse pas et deux qui peuvent plus. Dans cette émission, vous allez voir, il y a à boire et à manger. On voit ça. Hein, vous verrez qu'elle est tournée de blagues. Enfin, vu la dentition de Bob, il y aura à mâcher. Sur... Qu'est-ce que tu prends, Bob? Qui c'est qui rigole? Je regarde ceux qui rigolent. Ah bon. Voilà. Des blagues foirées par Maurice, envoyées par des auditeurs. Il y aura également des épreuves. Ouais, bah, cette émission sera une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, vous formez deux équipes. Uh-huh. Et oui. Oh, on dirait le sermon de la Béchamel. Car oui, mes frères, vous formez deux équipes. Donc, pour que les auditeurs s'y retrouvent au fur et à mesure de la soirée, il faut des noms aux équipes. Donc, Bob, Maurice et Gégé, qu'est-ce que vous avez comme idée de nom d'équipe pour Françoise, Loïc et Frédéric? Les blondasses. Ouais, bien, très bien. C'est bien. Original. Hein. Ouais. Les blondes. Allez-y, assaisonnez-les. Hein. Les trois grâces, en fait. Ah, avec deux S. Donc, nous allons jouer ce soir avec les blondasses contre les trois grâces. Oui, merci. T'es pas obligé de prendre l'accent. Si, hein. si. Première question, donc, pour le premier point de la soirée, une question importante. Le premier qui a la réponse qui. Voilà, vous pouvez bombarder, là, sur ce coup-là. Comment s'appellent les deux bandes rivales dans West Side Story? Les requins, dire les skins les et jets. les sharks. Non, les sharks non. Et les jets. Les jets. Les sharks et les jets. Les jets. Bravo, bonne réponse bravo. De l'équipe des blondes. Ouais, je t'en ai donné une. Hein. Oui, oui, mais j'avais plus les charges. Je me souvenais juste de la chanson « When you're a jet, you're a jet enfin, ». Ouais. Bon, alors Maurice a une boîte e-mail dans laquelle les auditeurs envoient chaque semaine des blagues. Ah. C'est de Patrick de Paris. Ah. Oui. Bah, un poisson rouge et un sous-marin entrent en collision. Oh, qui est le fautif? Vous savez pas. Le fautif. Non, on sait pas. Le fautif. Le sous-marin parce qu'il n'avait rien à faire dans le bocal. Dans l'aquarium. Ah, dans le bocal. Dans l'aquarium. Bravo. Bravo. Dans l'aquarium. Ah oui, il y a du niveau là. Oui. C'est bien. Deux femmes discutent. Comment appelle-t-on ton bébé? Quoi? Comment appelle-t-on ton bébé? Comment appelle-t-on ton bébé? Oui. Comment appelles-tu, non? Non, appelle. Comment as-tu appelé ton bébé? Alors. Deux femmes discutent. Comment as-tu appelé ton bébé? Moustacha. Quoi? Moustacha. Mais tu es folle. Tout le monde va se moquer de lui. Ah. Pourquoi? Tu as bien appelé ta fille Barbara. Alors, mais c'est la vieillesse est un naufrage. Oui, oui. Mais de son fils. Ah, Moustapha. Moustacha. Moustachacha. Ah, c'est ça. Barbara, moustache, acha. Ben oui. Ah. Sinon, c'est pas refait, s'il te plaît. Ah, ben oui, sinon, c'est pas drôle. Barbara, moustache, acha, d'accord. Mais non, pas Alléluia, il l'a pas bien fait. Non, il a pas compris encore. Ah. Ah, les nouveaux joujoux de Philippe. Toi, hein. Deux femmes discutent. Voilà. Comment as-tu Ne le déconcentrez pas, s'il vous plaît. Là, au bout d'un moment, elles sont plus deux. Là, il y en a déjà six. Ils sont six. Ne le déconcentrez pas. D'accord. Comment as-tu appelé ton bébé? Moustacha. Non. Non. Moustacha. Moustacha. Non. Moustacha. Mais Lise qui a écrit, nom de Dieu. Remarque-toi. Philippe Bello, t'es quand même une grosse salope. C'est pas moi. C'est un auditeur. C'est un auditeur tout gentil, tout innocent. Moustacha. Moustacha. Oh. Ah, ça y est, il a compris. Mais envoyez-le en Suisse qu'on le fasse euthanasier. C'est mauvais pour ton cœur. Alors. En Allemagne, il y avait un état nazi. C'est la colonie de femmes qui discutent maintenant. Les 18 femmes. Ils sont 18. Oui, fais pas d'humour, raconte la blague. Tu vas la foirer encore. Comment as-tu appelé ton bébé? Oui. Moustache Acha. Moustache Acha. Ah oui, c'est bien. C'est bon. Mais tu es folle. Tout le monde va se moquer de lui. C'est pourquoi? Tu as bien appelé ta fille Barbara. C'est bien, bravo. Oh. Quel talent. Ah bah oui. Eh bien, Françoise et Loïc, comme vous avez vu l'étendue des dégâts, vous allez pouvoir réviser vos blagues, car juste après la pause, faut faire mieux que Maurice. C'est la première tournée de blagues. Allez, restez avec nous. Le best-of dont va se marrer. Le best-of. Retour dont va se marrer. Avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ouais. Et bien, puisque vous êtes en forme, on va lancer la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, GG, une mignonne. Hein. Trois vampires entrent dans un bar. Je crains le pire. Le premier dit, barman, un verre de sang chaud, s'il vous plaît. Le deuxième, barman, un verre de sang chaud. Le troisième, barman, un verre d'eau chaude. Et les deux autres lui demandent, t'es malade? Pourquoi tu prends pas un verre de sang? Là, le troisième sera un vieux Tampax. Je vais me faire une infusion. La blague de Maurice. Oh là là là là là là. Ça y est, j'y vais. c'est comme les nageurs, c'est pour les prévenir. Il vient de nous prévenir. Bon, bah, à ton rythme. Bah, voilà, on attend nous maintenant. Une blonde consulte un médecin. Docteur, j'ai une diarrhée mentale. Oh là là. Et ça se traduit comment, madame? À chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. Mon Dieu. Bon, moi, j'ai des définitions du dictionnaire. Ah, t'as oublié le jingle. Alors là, il y a forcément, dans ces cas-là, il y a le jingle de Bob. Une information vient de tomber. Bob s'apprêterait à raconter une histoire drôle. Notre reporter sur place. Mais alors, j'y vais. démocrate. Trop pauvre pour être capitaliste, trop riche pour être communiste. Ah oui. La blague dromadaire. C'est présenté par les ciseaux coupe-tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Bien. Alors c'est deux blondes, c'est une série des blondes, qui jouent au jeu des questions. Alors, dis-moi, cite-moi deux monnaies. réponse facile, hein. L'euro et le dollar. C'est quoi cette bombe? Maintenant. Elle a bien voyagé, hein. C'est avant d'avenir. Donne-moi deux moyens contraceptifs. la pilule et la gabote. Bon, d'accord. Et bah, alors maintenant, dis-moi, donne-moi deux opéras russes. Non, mais là, je sais pas. Ah bah toi, à part l'argent et le sexe, il n'y a rien qui t'intéresse. Hein. Et chez vous, je vous fais celle des moutons. Ah non, non, non, non. Oh si, oh, si, non. Si on l'aime bien, celle des moutons. Alors, moi, j'avais promis de me faire pardonner auprès de nos amis belges. Ah oh, c'est un Français qui veut faire un, qui habite à Lille, qui habite dans le Nord, et qui veut faire un bon coup à ses voisins belges. Alors il arrive en vélo, il arrive et il s'arrête à une pompe à essence. Bon, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le plein, s'il vous plaît. Alors le Belge s'exécute, il fait le plein. Le Français est mort de rire. Il dit, excuse-moi, vous pourriez vérifier les pneus? Pas de problème, je vérifie les pneus. Le Français, il rigole, mais il en peut plus, il se fait dessus. Et il dit au Belge, vous pourriez nettoyer le pare-brise? Bon, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors le Belge, il prend, il nettoie le guidon et tout, machin. Et alors il paye quand même, hein, le plein. Et au moment de partir, le Belge fout une baffe, mais monumentale au Français. Le Français, eh, dis donc, hey, ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, hey, fallait bien fermer la portière. Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne, ça va, oui. Merci, bon, ça va être facile de faire mieux. Hein. Oui. Non, ça va être dire ou pire. Hein, moi, j'en ai une toute petite. On nous l'a dit. Bonne nouvelle. On nous l'a dit déjà. Efficace. Les spectateurs de la pièce nous l'ont dit déjà. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait remarquer dans la salle aux mille bouches, hein, évidemment. Alors moi, quel est le seul mot qui aurait pu sauver Diana? Ah, je ne sais pas. Taxi. Celle-là, elle est drôle. Pauvre type. Bon, Françoise. Bon. Ben oui. C'est le vous allez être un peu indulgent, j'espère. Oui. Bon, c'est un couple qui part en catastrophe de la maison. Madame est enceinte, sur le point d'accoucher. Et ils arrivent à la maternité. Elle est en pleine souffrance. Elle hurle sa douleur. Et son mari, qui est à côté, aussi catastrophé, lui tient la main en lui disant, écoute, ma petite chérie, écoute, vraiment, je suis désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Vraiment, je te demande pardon. Et sa femme essaye de le rassurer en lui disant, écoute, non, je te jure, tu y es vraiment pour rien. Bob, là aussi, très drôle. Bob Rijone, ça lui rappelle des souvenirs. Ah oui, les accouchements, oui, ça me rappelle des souvenirs. Alors, je crois que tous les hommes devraient assister à la naissance de leurs enfants. Ah alors, oui. C'est sorti du cœur. Hein. Vous avez des enfants? Moi, oui. Oui, moi aussi. Bon, alors j'ai une épreuve qui s'appelle... Tu n'y es pour rien. Non. A priori. Hein. La main passe. Ah, à la main passe. J'essaie de vous faire découvrir, en l'occurrence, un personnage célèbre. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. Au bout des 10 secondes, vous pouvez me proposer donc un personnage. Si vous ne trouvez pas, la main passe. Et donc, je donne 10 secondes d'informations à l'équipe adverse et ainsi de suite. Et c'est la première équipe qui trouve de quel personnage il s'agit, qui gagne le point. Donc, on va commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe des trois grâces. Bob, Maurice et Gégé. Quand tu dis ça, hein. Avec ses 10 premières secondes d'information. Je suis né le 7 février 1927 à Montpellier. En 1939, je deviens petit rat à l'Opéra de Paris. Ma mère m'entraîne. C'est, il vient de mourir là, c'est le chorégraphe, le mari de Zizi Jeanmaire. Comment il s'appelle? Petit? Oui. Roland Petit. Roland Petit. La main passe. Top. Ma mère m'entraîne dans la résistance. Capturé mais pas déporté, j'ai connu la prison à Fresnes. Alors que ma sœur aînée Charlotte, elle a été déportée en camp de concentration. Moi, je pensais à Zizi Jeanmaire, justement. Qu'est-ce que vous en dites, les copains? Ouais, moi, je... Allez. Zizi Jeanmaire? La main repasse. Top. En 1945, je découvre le bouillonnant quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et j'y rencontre, bien sûr, de nombreux hommes politiques avec qui je sympathise. Moi, je pensais à Sacha Guitry. Sacha il est Guitry, peut-être plus tôt que ça encore. Il tira de l'opéra, Sacha Guitry. Ouais. Quand il était tout petit. Ah bah oui, peut-être. En 27, et il était déjà adulte. Hein. Ça pourrait être Maurice Béjart, mais il est pas assez, il est trop vieux pour ça. Enfin, il est. Oui. Il est trop mort. Non, mais il est mort. Bien sûr qu'il est mort, mais. En 24, il est né. 27. 27, ça lui ferait quoi, 90 ans. Non, mais il est mort. Le ah, je l'ai pas dit encore. J'ai pas dit. Ouais, Béjart. Allez, on dit Béjart. Oui. La main repasse. Top. Je décroche quelques rôles au théâtre en 1946 et je travaille même à la radio dans laquelle je fais une émission de poésie. En 1949, disposant d'un riche répertoire. C'est-à-dire que générationnellement, ça nous correspond pas vraiment. Ben non. Non, mais enfin, là. C'est ce que je dis à chaque fois. Mozart non plus, c'est pas mon époque. Oui. Ça s'appelle la culture. Oui, bah la preuve, t'as trouvé tout de suite. Ouais. Oui, bah on cherche pour l'instant. Moi, je sais pas, vous avez une idée, quelque chose. Oh. Non, la main repasse. Top. Disposant d'un riche répertoire de Jean-Paul Sartre à Boris Vian, je participe à la réouverture du cabaret Le Bœuf sur le Toit. Je rencontre cette année-là Miles Davis, dont je tombe amoureuse. En 1951. Alors, c'est une femme. Bravo, Maurice! Bravo! Excellent! Je pensais à Becker, les filles. Joséphine Becker. Oui, Joséphine, oui. Et elle est née à Montpellier, bien sûr. Elle n'est pas née à Montpellier. Non. Non, la main repasse. Alors, on attend les 10 secondes. Hein. Top. En 1951, je reçois le prix de la SACEM pour Je hais les dimanches. En 1952, je pars en tournée au Brésil, aux États-Unis, et je fais une carrière internationale. Juliette Gréco. Ah. Et oui. Juliette Gréco. Et voilà, c'est Françoise Carrière qui trouve. Donc le point va au Blondas, que l'on félicite à nouveau. Bravo. Moi c'est Miles Davis qui m'a. Voilà. Alors restez avec nous car dans quelques instants nous avons un point complet sur l'actualité de la semaine avec un flash très spécial. Pardon, maman. Françoise et Loïc, on vous retrouve juste après ça. Best-of dont on va se marrer. On va se marrer. Best-of. Retour dont on va se marrer. Ouais. Avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ouais. Donc Françoise et Loïc, une autre épreuve de l'émission, c'est l'actualité. Comme chaque semaine, voici un flash très spécial. Flash très spécial. Dominique Strauss-Kahn, vous avez donné la primeur de vos explications à Claire Chazal sur TF1, mais une chose n'a pas été détaillée, c'est l'histoire du pacte de Marrakech. Alors, est-ce que vous pouvez, ce soir, nous expliquer ? Philippe Bellot, je tiens tout d'abord à dire aux Français qui nous écoutent que je suis innocent, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procureur dans ce rapport. Oui, ça va. Il a fait analyser les tâches suspectes. Et désolé, mais c'était de la perle de lait de Yoplait et du Nutella. Non. J'ai beaucoup pensé à ma femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui. Oui, Anne Sinclair. Quand j'ai beaucoup pensé à elle, quand j'ai ouvert le frigo pour prendre le pot de perle de lait de Yoplait, elle me fait confiance. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas cru en mon innocence, elle n'aurait pas claqué son plan de logement pour me sortir du Newf. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse quand même, c'est le pacte de Marrakech. Alors, concernant cette histoire aberrante, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procureur dans ce rapport. Je sortais de la Mamounia. Ah non, hé, putain! On avait dit qu'on arrêtait avec la Mamounia, hein? Ah, pardon, c'est une autre radio, c'était Jean-Pierre Elkabbach, oui. Oui, merci Elkabbach. Donc je sortais de la Mamounia, en marche arrière, et on avait loué une limousine pour passer inaperçu avec tous les princes du Qatar et de la Syrie démocratique. Quand tout d'un coup une calèche lancée à vive allure, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procureur. N'a pu nous éviter et nous est rentré dedans. Quelle surprise, sur la calèche, en fait, il y avait Martine Aubry, qui était invité à un vin d'honneur à la Mamounia. Ah non, on arrête, hein. Et qui avait peur d'arriver après l'ouverture de champagne. Bon, là, je vois pas du tout où vous voulez en venir. Mais c'est bien simple, c'est là toute l'explication de l'impact de Marrakech. Tout simplement, c'est la Martine assoiffée qui m'est rentrée dedans. Et monsieur Bello, comme je n'ai pas fait état dans ce tabloïd, l'Express, tabloïd infâme, Ça s'est transformé en pacte de Marrakech, alors que le seul pacte que j'ai signé à Marrakech, c'est le constat avec Mohamed El Burundi de la FAT. C'est un membre du Parti Socialiste local ? Non, c'était le propriétaire de cette calèche de merde. Une violente altercation a eu lieu au Parlement européen entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Marie Le Pen. Alors, monsieur Le Pen, j'imagine que vous regrettez ces mots déplacés. Hein ? Allez, pardon, excusez-moi, n'est-ce pas ? Mais je devrais me laisser insulter par ce Cohn-Bendit. Hein, c'est comme ça qu'on doit dire en français. Et puis, rien dire du tout, non, mais on n'est pas chez les bolcheviques. Eh bien non, je ne regrette rien. Et s'il en faut, je remets une deuxième couche, comme celle qu'a dû enlever Cohn-Bendit à la gamine, qui lui a touché le zizi, comme il le dit lui-même dans son livre. Après la Grèce, l'Italie, l'Espagne et peut-être la Belgique, bientôt touchée par la crise financière. Alors à Bruxelles, notre analyste financier, monsieur Van de Putte, qu'en pensez-vous ? Ah oh bon, je vais vous dire, parce que nous autres, il n'y a pas de problème. Hein. On a décidé de déclarer la guerre à la pauvreté. Hein. Ici à Bruxelles, ça fait deux jours qu'on tire à vue sur les SDF. Pourvu que ma famille n'écoute pas. On va lui envoyer le podcast. T'en fais une drôle de tête. Hein ? Donc on vous a fait subir ce flash. Donc on va quand même vous cuisiner un petit peu parce que allez. Françoise. Alors, classique. Moi juste avant j'étais sur le songe d'une nuit d'été. Donc encore auparavant. De Molière. C'était, c'est ça voilà. Et puis les précieuses ridicules de Shakespeare juste voilà. avant. Donc voilà. Et puis sinon aussi une autre production qui était plus contemporaine on va dire, mais qui traitait d'un sujet sur les années 60 avec un chanteur. Et donc voilà, c'était assez varié. Presque. Et toi, voilà. Et Loïc, Loïc, lui, n'a pas joué dans R. Non. Non. Bon, c'est pour continuer. Ouais. C'est facile. Bon, certaines continuités. Mais j'ai fait effectivement des plateaux, on en discutait tout à l'heure, au point virgule. Et puis on avait une pièce aussi qu'on avait jouée à trois personnes. Je faisais pas du one man, on était trois. Toi ils t'ont pris au tremplin du point virgule. Oui, voilà, exactement. T'as de la chance. C'était une autre époque. Hein, on t'a déjà dit ça, c'était en 35. Mais Frédéric, il a toujours la dent dure quand il est pas pris. Mais le point virgule, on lui a expliqué pourquoi. Ah oui, il faut un chausse-pied pour le faire rentrer. Mais ceci dit, oui, voilà, c'était. Mais un tube de vaseline pour en faire sortir. Et laissez parler l'invité. Oui, c'est vrai, merde. Donc voilà, mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi là, moi aussi, il n'y a pas si longtemps, j'étais sur un Pinter. Alors Pinter. Oui, Pinter, Harold. C'est un auteur. Harold Pinter, c'est un auteur anglais qui met de l'humour dans ses pièces, mais pas que. Là, en l'occurrence, c'était une pièce sur la dictature, donc l'humour était limite inexistant. Donc voilà, et donc je passe d'une chose à l'autre. Je pense que c'est le béaba du métier en fait, c'est de vouloir. Mais c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile ou plus difficile de jouer une pièce comme une pièce comique, une pièce où on veut faire rire les gens, qu'un texte. Non, mais c'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose. Parce que souvent, on a un texte super dur. On parle de Shakespeare ou. Faire rire, c'est le plus dur. Parce que là, il y a, en fait, quand on arrive sur une pièce comique comme celle-ci, probablement, parce que nous, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller la voir, mais Maurice s'est engagé par écrit à y aller, donc on vous a pas vu sur scène, mais c'est vrai que on imagine que le but du jeu, c'est de faire rire la salle, et donc, il y a un stress quand même. Ah bah, la grosse différence avec un drame, entre guillemets, et une pièce comique, c'est que la pièce comique, si à la fin de la pièce, personne n'a rigolé, faut vous pendre, hein, ou se remettre en question, éventuellement. Mais je préfère. Voilà. Ouais. Donc, du coup, après, c'est un peu plus chiant pour jouer. Oui, hein, pendu. Mais alors qu'une pièce entre guillemets dramatique, on sait jamais vraiment. On peut avoir un ressenti sur les spectateurs, c'est-à-dire avoir l'impression qu'il y a une tension. Donc c'est-à-dire ça marche. Une pièce dramatique, le seul moyen de se rendre compte s'il s'emmerde, c'est s'il ronfle. Ouais. Non, mais par contre, on voit bien s'il pleure, au reniflement et au Kleenex. Voilà, exactement. Ouais. Donc dans l'émission, les auditeurs envoient massivement des blagues à Maurice. Dans la gueule. Donc Maurice, une petite blague reçue dans ton adresse e-mail. Alors ça c'est de Georgette de La Rochelle. Elle a déjà envoyé elle. Elle a déjà envoyé elle. Je connais une chanson sur Georgette. Maurice. Un enfant et son père vont à Jiffy. L'enfant vague dans son caleçon. Dans son caleçon. Dans son caleçon. Oui. Et il lui dit papa Jiffy caca. J'ai pas compris moi. Elle devait être bonne. Hein. Oh la page. Celle-là, alors. Bob, tu peux prêter ton sponsor à Maurice ? Dans quelques instants, on va revenir avec une nouvelle épreuve dans l'émission. C'est l'épreuve du trivial. Ah. Boîtier du trivial de 1985. Qui c'est qui s'est engagé à lui en acheter un nouveau? Donc c'est toujours le boîtier de 1985. Deux cartes, une carte par équipe. On va voir laquelle des deux équipes est capable de répondre au plus grand nombre de questions. Mais ça, c'est juste après la pause. Best-of dont on va se marrer. On va se marrer, c'est best-of. Retour dont on va se marrer. Ouais. Avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ouais. Alors on va vérifier justement si vous allez réussir à ridiculiser l'équipe des Trois Grâces. À quoi ridiculiser l'équipe des Trois Grâces avec l'épreuve du trivial. J'ai donc tiré au hasard. Ça fait des années que je tire. Deux cartes dans le boîtier du trivial de 1985. Oui, donc je précise pour les invités, si Philippe vous pose la question de quel pays Moscou est la capitale, vous répondez... La Russie. Mais non, non 85. 85 L'URSS. Bon, voilà. Donc une question par équipe. Et nous, on guette. Six questions sur chaque carte, un point par question. Si vous ne savez pas ou si vous échouez à une réponse... Vous vous souvenez de Guilux quand il expliquait ses jeux? Voilà. Donc si vous échouez ou si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut donner la réponse et marquer le point. Attention, il y a une autre règle, c'est la règle cash. Attention, attention. La règle du cash, c'est pas compliqué. Si vous avez, donc si c'est votre carte, et si vous avez la réponse, vous n'êtes pas obligé de vous consulter, vous dites cash et vous donnez la réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est deux points. Voilà, si c'est la mauvaise réponse, c'est deux la points. Main dans passe, la main passe, voilà. Et là, oui, c'est ça, c'est l'autre équipe. Voilà, donc je crois que j'ai donné toutes les règles de c'est ce bien, jeu. Il explique pas comme Guy Lux, il explique comme Pierre Belmar. Moi, j'ai l'impression que tu fermes les aussi, yeux, t'as l'impression d'entendre Pierre Belmar. Parce qu'il en a marre qu'on lui dise qu'il fait, qu'il sait Guy Lux. Alors, il fait un peu du Belmar. C'est la maturité. Et oui. Et là, si vous n'abordez pas correctement, objection de maniche. Oh non. Alors, je fais toujours choisir Bob, qui est un très mauvais joueur. Il est mauvais c'est joueur. Pas vrai, il qui est toujours joueur. Persuadé que c'est triché. Mais de toute façon, cette émission est une tricherie. Alors. La une ou la deux? Tu dirais quoi, toi? Moi, ce aujourd'hui, je ne dis rien. Voilà. Bon, de toute façon, la une ou la deux? Celle-là. Celle-là. Ouais. Alors, on va faire commencer l'équipe des Trois Grâces, parce qu'elles sont menées. J'aime bien comment on dit ça. Avec leur première question, donc c'est leur carte. Donc, c'est nos réponses, d'abord. Est-ce que, Bob, vous êtes prêt? Non. Eh bien, c'est parti. Quelle ville est desservie par l'aéroport Leonardo da Vinci? Non, bah soit tu le dis en français. Leonardo. Soit tu le dis avec le vrai accent. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. El vuelo numero. Amsterdam. Non, c'est la. Alors, dans les micros. La Sicile. C'est à Rome. À Rome. C'est à Rome, mais c'est l'aéroport, il n'est pas à Rome, c'est comme ici à Orly. Alors. Alors je vous demande quelle ville est desservie par l'aéroport. Non, c'est pas Rome. Palerme, non. Il y a Florence, il y a Milan. Il est de Florence. Alors c'est peut-être celui. Je sais pas s'il y a un aéroport à Florence. Il y en a à Milan. En a certainement. Bah dit Florence. Bon, alors est-ce que je peux avoir une réponse? Oui, on va dire Florence. Florence. La main, non, c'est pas ça. Alors est-ce que les blondasses, vous avez une idée? On dit Venise. Eh bien non, c'était Rome. Ah merde. Quel est le chinois? Ah, je connais. Ça, c'est une question pour Bob, ça. Ah oui, je pense. Il connaît bien les chinois. Ah oui. Quel est le chinois? Non mais il connaît bien les restos chinois. Qui tribule en Chine? Oh. Qui quoi? Qui tribule en Chine? Qui a fait des tribulations? Alors ça, je crois que tu l'as vu à sa sortie au cinéma, Bob. Oui, c'est un film, c'est une question de cinéma. Ah, la tribulation de Chinois en Chine. Ah, c'est Belmondo. Oui, je crois. Oui. Je te l'ai pas. Ah, c'est Belmondo qui joue dans le film. Ah, bah alors, mais dis Belmondo. On va dire Belmondo. Correct. Je te l'ai pas donné celle-là. Quel siècle a vu naître. Et c'était pas du cash. Hein. Non, ils se sont consultés. Mmh. Quel siècle a vu naître l'art gothique? Le 14e siècle. Cash. Cash, 14e siècle. Non. Alors, que les choses soient bien claires, je n'en ai aucune idée. Alors, l'art gothique, c'est Mylène Farmer et tout ça, non? Non, l'art gothique, c'est San Antonio. Et l'apostrophe art gothique. Non, c'est avant. Oui, mais... Non, dans ton micro, François. Non, mais comme je suis pas sûr, je voudrais pas. Ah non, mais si, mais c'est pas grave. Si, si, on veut entendre tes âneries aussi. Il n'y a pas de raison qu'on entende que les nôtres. Que les tiennes. Moi, j'aurais dit 12e. Oui, moi, c'est dans ces eaux-là. On perd pas de points si on se trompe. Non. Ouais, 12e. 12, allez, 12e, s'il y a 12e. 12e. 12e. 12e. Allez, 12e. 12e, c'était le 13e. Ah, oh, merde, merde. Mais merde. C'est trompé. Bob, Maurice et Gégé, qui a écrit, je cite, « Il est temps d'instaurer la religion de l'amour ». Ah, je crois que c'est Lynn Renault. Ouais, la littérature. La littérature, À part Michael Crichton. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je connais. En quelle année? Tu veux pas son prénom non plus? Non, alors la réponse? Je sais pas. Donc sais vous ne savez pas. Camus. Alors est-ce que les blondins... Il a dit Camus. Camus, non. Nous on dit Rimbaud. C'était Aragon. Ah. Comment appelle-t-on les perles naturelles? Des paix. Les perles naturelles, Bob. Tu devrais savoir, Bob. On appelle ça des perles fines? Oui. On appelle ça les perles fines. C'est pas nacré, non? Les perles nacrées, non? Ah bah c'est du nacre. C'est du nacre ou de la nacre? C'est de la nacre. De la nacre. Alors, qu'est-ce que je prends? Ma perle fine ou nacre? La nacre. Et lequel je prends? Et vas-y, Bob. Ah, je sais pas. Là, sais non, pas. Là, il faut que vous vous décidiez parce qu'on a. Allez, on dit nacre ou fine. Nacre ou fine. Tu veux nacre? Allez, on va dire nacre. Alors nacre. Eh bien, non, c'est pas ça. Très fine. Les perles fines, bonne réponse. Oh le regard de Bob. Oh le regard. Ce jeu est truqué. Ah, déjà tout à l'heure. Tout à l'heure, il leur a fait. Il leur a donné la réponse. Ah oui, j'ai rien dit. Et ces imbéciles l'ont même pas pris. Et dis donc, Belmondo. Belmondo. Alors, Bob, dernière question. Et là, c'est une question de laquelle tu vas répondre, je sais. Combien de finales en simple Billie Jean King a-t-elle remporté à Wimbledon? À plus ça, ou moins 10. C'est du tennis, ça. Hein. Bon, on va dire 5. 3. 5, tu veux ça, là, carrière, ça non, et 3 ou 5. 3. 3 ou 5. 3. Non, ce n'est pas 3. Ça ne doit pas être 5. Moi, je dirais, je dirais 11, moi. Ah. Elle a Billie Jean King, c'était la star féminine des années 70. Il n'y en avait pas beaucoup à côté d'elle. Hein. Et quand elle est partie, ça a été Chris Evert et Navratilova quasiment. Ouais. Hein. Mais... j'aurais dit 11 gagnés même. Tu vois. Mais bon, 11. Bon, 11. Allez, 11. 11 et c'était 6. Ah, ouais, oui. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Je crois quand même que c'est pas mal. Vous avez pris un point, Bob. Et encore, c'est moi qui vous l'ai donné. Voilà. De toute façon, c'est un jeu à la con. Non, je n'avais pas compris la question. Oui, bien sûr. Merci, tu me l'as fait comprendre. Mais tout n'est pas perdu. Donc, restez avec nous. On revient avec Françoise et Loïc juste après la pause. Le best-of dont on va se marrer. On va se marrer. On va se marrer. Le best-of. Retour dont on va se marrer. Avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Et Françoise et Loïc, et donc c'est leur carte qui nous arrive, leur carte du trivial maintenant. Et donc vous avez vu comment ça se passe. Tout à fait. Qu'emprunte-t-on pour franchir le Rhin à Strasbourg? Ah oui. Un pédalo. Non, doit y avoir un pont connu. Dans la petite France. Dans la petite France. Personne ne connaît l'Est de la France? Si, si, bah moi, mon ex-femme était de là-bas, alors j'ai un peu honte. Hein. En même temps, j'ai essayé d'oublier. Alors, c'est pour ça, j'ai une excuse. Non, mais ça doit être un pont, le pont de Nel. Le pont de. De Nel. Non, c'est pas ça? De Kehl. De Kehl, c'est une ville allemande. Ah, c'est de Kehl. Mais regarde-le! Regarde-le, en train de tricher avec ses doigts crochus! Absolument pas! J'attends la réponse finale. Donc vous me dites le pont de Pédalo, Kehl, c'est une ville qui est pas loin. Kehl, ah bah vas-y, dis. Kehl, peut-être. Alors, le pont de Kehl. Le pont de Kehl, ouais, c'est correct. Non. Dans quel film Marilyn Monroe est-elle myope? Parce que tu devrais savoir ça. Hein. Oui. Bah oui. Nous répondons certains les mchots. Et c'est faux. Ah. Oui. C'est le milliardaire. Oui. Comment le titre c'est Comment épouser un milliardaire. C'est ça le titre. Comment épouser un milliardaire. C'est correct. Allô. Oh, Bob, Bob vient de faire un bras d'honneur géant à Fred. Parce qu'il vient de me gagner sur une question cinéma. Oui, alors là, parce que normalement, c'est toi qui réponds à ça. Qui a rétabli le droit de grève pour les ouvriers en France le 24 mai 1864 ? Les gauchistes. Scandale. 1864, qui sait que ça pourrait être Napoléon III ? Ou c'était plus tard, Napoléon III, je sais pas. Je sais pas du tout. Oh là. Le droit de grève. Enfin, le droit de grève. Le 24 mai. En France, le 24 mai 1864. Et c'est une personne qu'on Ah oui, bien sûr, c'est une personne. Donc ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non. Non, par contre, lui, s'il y avait un impôt sur la connerie, il prendrait cher. Non, mais vas-y, vas-y, allez. Napoléon III. Oui, c'est correct. Oh là là là là là. T'aurais pu le faire cash, hein. T'imagines. Napoléon. Alors là, donc je précise pour les auditeurs, Frédéric vient de faire un bras d'honneur à Bob. Oui, parce que Bob, lui, il était né à l'époque. Qui a écrit le conte pacifiste Tistou les pouces verts? Je connais que ça, on l'a appris à l'école. Qui c'est? Tistou les pouces verts. Tistou les pouces verts. Tistou les pouces verts, on l'apprenait à l'école, ça. Steinbeck. Non. Ah, mince, ça va pas me revenir. Non, Maurice. Non, ne demande pas la réponse. Attends un peu encore. Ah. Qui disent. Non, ça me reviendra pas. Non. Non. Non, ça me reviendra pas. Alors, Maurice. C'est un indice. Maurice Clavel, non. Maurice Clavel. Maurice Clavel. Druon. Maurice Druon. C'est Maurice Druon. Ah, oh, Druon. J'en étais pas loin. Ah, bah tiens, on parlait de gauchiste. On n'a pas un demi-point. Que récompense. Mais t'es communiste, Maurice Druon. Oui, tu plaisantes. On parle de Maurice Druon. Oui. Qui était quand même hyper réac. Qui a été ministre de la culture de. Enfin, Pompidou, hyper réac, il était de droite, tout simplement. Non, il était réac. Il y a des gens de droite, il y a des gens réac. Que récompense la médaille Fields? La quoi? La médaille Fields. Comme Michel Fields. Voilà. Fields. Une question de science et nature. Ah, mais oui, c'est pas Fields, le. C'est pas le... Bah, non. C'est les non, je crois, parce qu'en mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel, je crois, de mathématiques. Et il me semble que la médaille Fields, c'est l'équivalent du Nobel de mathématiques. Écoute, t'as l'air plus intelligent. Il me semble que c'est ça. Vas-y, moi j'ai aucune idée. Vas-y, moi non plus. Le premier, un prix de mathématiques, les mathématiques. Oui, c'est correct. Oh là là là là là là. Et enfin, quelle est... La prochaine, je me déculotte. Hein. Oh non. Quelle est la ceinture qui précède la ceinture noire au judo? Réponds-toi, j'ai pas envie d'enlever mon froc. C'est la marron. C'est la marron et c'est correct. Ouais. Et je ne ferai pas de blague. Je ne ferai pas de blague sur ce qui pourrait être marron en dessous de la ceinture. Oui. Je dois dire que les trois grâces, vous êtes quand même menés pour l'instant. Oui, est-ce qu'on a au moins un point? Vous avez deux points. Ah, deux points. Vous avez deux points. Les, je serai pas Fanny. Les blondasses en ont 8. Bah, tout n'est pas perdu. Donc, parce qu'il y a quand même si on s'en fout, parce qu'à la fin, on va avoir une question à 12 points. Et si tu veux, oui. Bah, pour l'instant, la photo mystère, elle vaut 6 points pour l'instant. Voilà, c'est ça. Donc tout n'est pas perdu. Mais je propose, avant de rendre l'antenne, de faire une petite roulette russe. Ah ! La roulette russe, c'est très simple. Je vais vous proposer des mots qui correspondent à des blagues fétiches de Maurice. D'accord. Dès que vous en voulez, dès que vous trouvez que c'est bien, vous dites stop. Et Maurice raconte automatiquement et instantanément. Sans aucune note, cette blague fétiche. Est-ce qu'on peut lancer la roulette russe? Allons-y. Top roulette russe. Poussin, maille à l'abeille, clocher, perchiste, roue de secours, zébu, souris, merlin, araignée. Top, araignée. Alors, c'est un bébé araignée qui dit à sa mère, cher Loïc et ma chère Françoise. Ah. Ma chère Françoise et mon cher Loïc. Oui, il gagne du temps, c'est ça. Oui. Un bébé araignée dit à sa mère, maman, y a-t-il quoi? Non, bien sûr. Non. Qui y a-t-il ce soir au dessert? Mais refais-la, refais-la depuis le début. Maurice. Chère Françoise. Ma chère Françoise et mon cher Loïc. Oui. Alors, vous avez choisi l'araignée. Oui. C'est un bébé araignée qui demande à sa maman, qu'y a-t-il ce soir au dessert? Ah. Et sa maman lui répond, une mouche au chocolat. Oh, oh, là, alors là, ça peut. Là, elle a été. Parce qu'avant qu'il arrive à la dire correctement, il s'est passé quelques années. Oui. Ah, oui, et même. Voici les archives. Non, pas tout de suite, peut-être tout à l'heure. Mais juste parce qu'on doit rendre l'antenne, parce qu'on a de l'actualité brûlante. Juste après la pause. Ah, oui. Un petit flash très spécial. Ah, oui. Ça, c'est juste après la pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Best-of dont on va se marrer. On va se marrer, le best-of. Retour dont on va se marrer avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Voici un nouveau flash très spécial. Flash très spécial. Débat des primaires. Martine Aubry n'a pas été très tendre avec François Hollande. Alors, monsieur Hollande, on vous a senti un peu énervé. Pas du tout. Moi, énervé? Non, à part de me faire avaler un kilo d'ecstasy, je vois pas comment. Hein. C'est vrai que Martine Aubry, ancienne première secrétaire de spécialiste, c'est vrai qu'elle m'a agressé. Elle aurait mieux fait d'engueuler la maquilleuse qui lui a fait une tête d'alcoolo féministe. Limite, enfin, battu. Hein. Remarque, c'est tout ce que je lui souhaite pour les primaires, d'être battu. Nicolas Sarkozy, bien oui, sûr. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du débat des primaires? Ah ben, si vous me permettez, Monsieur Bellot, le nom est bien choisi, hein, les primaires. Ce sont vraiment des primaires, ces zigotos. Hein. On aurait cru le jeu du midi à la télé sur la 2, comment qu'il s'appelle déjà? Tout le monde veut prendre ma place? Oui, c'est ça. Mais les candidats, ils n'étaient pas brillants. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des invités variétés, ça aurait évité qu'on s'endorme. Mais alors, selon vous, qui ressort grand gagnant de cette soirée? Ben, à votre avis, je vous le demande dans le mille. Ben, c'est moi, bien sûr. Hein, vivement la prochaine soirée, que je reprenne 10 points dans le baromètre Ipsos. Nafissatou Diallo serait brisée par le passage de TSK à TF1. Oui. Nous avons en ligne la présidente de son comité de soutien. Allô, Bello. Dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Allô, Bello. Depuis le restaurant Le Chien qui pète. Hein? C'est quoi? C'est Séraphine Wagamoudou Moudou. Allô. Ah, enfoiré. C'est pas le chien qui pète, c'est le chien qui fume, ma baraque à frites. Mon établissement gastronomique. Oui, alors j'ai décidé de défendre ma charmante cousine Nafissatou Diallo suite au passage de Benny Hill chez Claire Chacal. Dis donc, il a pas raconté les détails. Hein. Moi j'ai tous les détails et je vais tout déballer. Comme lui, il a tout déballé la marchandise sur le tablier de la femme de chambre. Ma charmante cousine Nafissatou Diallo. Alors je te raconte, elle sonne à la porte... La production a les moyens, hein. Maurice, c'est bon, on a le bruitage, tu peux remonter ton slip. Alors, comme personne ne répond, elle rentre, persuadée que la chambre s'était vidée. Et c'est pas la chambre qui s'est vidée. Tout à coup, il y a DSK qui sort à poil de la salle des bains. Jamais elle avait vu un sexe de blanc. Elle a été étonnée de la taille, hein. Chez nous, même les nourrissons, c'est plus gros. Alors, bon, elle a... Oh là là. Alors, bon, Bello, tu es là, tu m'écoutes? Tu es toujours là, je t'entends plus. Allô? Oui. Bello. Alors bon, comme pour le faire gonfler, elle a voulu souffler dedans, hein. Et ce saligo, il lui a envoyé la purée. Tu sais ce qu'il chantait? Non. Il chantait, quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Alors, quelle honte, hein. Oui, autant Loïc rigole, autant Françoise est consternée. Bon, alors après avoir ricané du flash de spécial, bêtises, il est temps d'envoyer. Il était temps, petite. D'envoyer une nouvelle tournée de blagues. Allez. Oh, I'm feeling good. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Avec une petite mignonne de Gégé. Une jeune étudiante vit seule dans une chambre de bonne avec sa petite chatte qu'elle adore. Ça commence. Bon. Un jour, elle constate que l'animal a la pelade. Alors, elle envoie à son fiancé, qui est élève à l'école vétérinaire de Maison Alfort, le télégramme suivant. « Ma chatte perd tous ses poils, que dois-je faire ?» Qu'est-ce qu'il y avait ? Il lui répond « Ne te sers plus de ta mobilette. » Alors, pour Bob, « Ma chatte perd tous ses poils, réponse, ne te sers plus de ta mobilette. » Ah. Voilà. Bien. Maurice. Alors, la blague de Maurice. Oh bah, elle doit être drôle. Hein. Je crains le pire. Oui, moi aussi. Là. Ouais, je pense qu'elle est drôle. Non, pas du tout. Allez, vas-y, Maurice. Que font Mickey et Mario dans une baignoire ? Oh bah, ça, on sait Mickey pas. Mouse et Mario Boss. Non. Tu ne l'as pas bien, là. Ouais. Refais-la. Brosse. Vous ne savez rien dire, Mario Boss. Non, brosse. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Moi, je la refais. Vas-y, hein. Attends. Ouais, alors, allez, hop. Que font Mickey et Mario dans une baignoire ? On sait pas. Mickey Mouse et Mario Brosse. C'est un fermier qui achète... Ah non, pas les moutons, hein ! Non. Je vous épargne la blague des moutons. C'est un fermier qui achète un terrain pour y mettre des chevaux. L'ancien propriétaire le vend, car il a des problèmes, car il y a un ravin juste à côté et que tous ses chevaux sont tombés dedans. Alors le nouveau fermier prend donc un risque, mais après 3 ans... Il la joue, on dirait Francis Huster. Après 3 ans, il est content, très content, ah. Car aucun cheval n'est tombé dans le ravin. Alors, le propriétaire, ça lui trouve le cul. L'ancien propriétaire. Oh. Enfin, je veux dire, enfin, je m'excuse, mais enfin, il en peut plus. Il dit, mais ça, c'est quand même incroyable. Donc, il vient demander au fermier comment il a fait, comment c'est possible. Mais c'est pas compliqué. Parce que j'ai arrêté. Non, parce qu'avant, j'ai levé des brebis, mais j'arrivais pas. Donc, du coup, j'ai changé d'élevage. J'ai trouvé une très bonne solution et j'ai un âne qui s'appelle Petro. Un âne qui s'appelle Petro, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est très facile, parce que Petro l'âne, il empêche la chute des chevaux. Oh oh oh. Alors, c'est Monsieur et Madame Bob, très connus, hein, du côté de la mare de Fouesnant. Monsieur et Madame Bob qui sont en train de rouler tranquillement à 90 sur une route départementale. Bob conduit et soudain la femme de Bob le regarde et lui dit « Écoute, je sais qu'on est mariés depuis plus de 15 ans, mais je veux divorcer. » Bob ne dit rien. Il accélère à 100 km/h. Madame Bob dit « J'ai eu une aventure avec ton meilleur ami et il est bien meilleur amant que toi. » Bob ne dit rien et il passe à 110 km/h. « Et je veux la maison et les enfants. » Bob ne dit rien, il passe à 120 km/h. « Et je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de crédit. » Et là, Bob tourne et se retrouve face à un mur. Et il accélère à 130 km/h. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Bob dit « Rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. »« Ah ouais ? Et c'est quoi ?» Le mari fonce sur le... Enfin, Bob fonce sur le mur et dit « C'est moi qui ai l'airbag. » Ça fait rire quand même, Bob. Ah bah oui, puisque c'est lui qui a l'airbag. Donc c'est à moi. Oui, vous le savez, j'en ai toujours une petite. Ah. Alors moi, c'est je me pose une question. Pourquoi y a-t-il des cendriers dans les wagons non fumeurs ? Ah oui, bah oui, c'est Et vrai. Alors le pape, il a bien des couilles. C'est vrai. C'est pas faux. Bon. Françoise. Alors allons-y. C'est un couple, le mari est en train de mourir, donc il fait ses adieux déchirants à sa femme et quand même il y a quelque chose qui le titille, il lui dit écoute, est-ce que tu vas me pleurer au moins, parce que ça, c'est, tu sais je partirai quand même, je sens que tu m'aimes, tout ça, est-ce que tu vas me pleurer et sa femme lui répond très très gentiment, mais évidemment mon amour, tu sais bien que je pleure pour un rien. Ah. Je savais pas que tu connaissais la femme de Bob. Juste après cette courte interruption, une épreuve que nos auditeurs attendent avec impatience. La photo mystère. La photo mystère, car à la radio, nous avons le jeu de la photo mystère. Je m'en vais. Réalisé par Maurice. Reste avec nous, reviens juste après la pause avec Françoise et Loïc qui sont avec nous. Le best-of dont on va se marrer. On va se marrer, le best-of. Retour dont on va se marrer avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ça va toujours, Loïc? Bah oui, Loïc. Non, mais Loïc, il est en train de fumer sa clope. Mais c'est pas grave, laissez-le tranquille. Ah, ben oui, ben, c'est comme si tu veux faire. Voilà. Donc, c'est un malin. Non, je faisais une interview en parallèle, excusez-moi. Ah, bah. Donc là, vous avez l'épreuve de la photo mystère qui vous attend et ça, c'est catastrophique. Oh là là. Nous avons confié à Maurice ici présent une photo mystère dont Maurice n'a absolument pas le droit de prononcer le nom. Eh non. Donc, il a, c'est marqué photo mystère 2. Le nom de la photo, il ne peut pas prononcer le nom de cette photo mystère. Il a également un mot interdit. Donc, il ne peut pas non plus prononcer un mot qui pourrait vous faire trouver cette photo mystère très rapidement. J'ai qu'à partir, hein. Donc, le but du jeu, c'est de vous faire trouver, enfin, de faire trouver à une équipe ce qu'il y a sur sa photo mystère le plus vite possible. C'est un jeu pour lequel on peut marquer 5 points. Donc, bien sûr, Maurice, donne des informations pendant 10 secondes. D'accord. Au bout des 10 secondes. Des informations. Voilà. Au bout des 10 secondes, une réponse. Si ce n'est pas la bonne réponse... 10 secondes supplémentaires, etc., etc. On commence par l'équipe qui est menée, l'équipe des Trois Grâces, oui, qui sûr. Est son équipe. Et c'est pour Maurice qui déclenche le chrono. Top à mon équipe, là. C'est d'une matière animale qu'on peut trouver dans la nature, qui peut être sauvage. C'est d'une matière animale qu'on peut trouver dans la nature. Oui, quand idée. Il dit « ça peut être sauvage », ça veut dire que c'est sauvage. Ouais. Alors, une réponse. C'est de matière animale. Et en général, quand matière c'est sauvage, animale. On trouve dans la nature. Voilà. Du cuir oui. Matière animale. Ah. Oui. Bah oui. Du cuir. Non. Parce que du cuir, t'en trouves. Alors, dans la attention, là, c'est pour vous, hein, les blondasses. Oui. Maurice va vous donner 10 secondes d'information. C'est lui qui dit top chrono quand il veut. Stop. Ça peut être câlin. Je suis, hein, toujours. Ça peut être câlin. Est très aimé des humains. Oui, c'est voilà. Un animal, en 10 secondes, là, tu sais que c'est câlin et aimé des humains. Ce qui est pas mal. Hein, un chat ? Non. Tu as le nom de ta photo mystère, ne me regarde pas. Non. C'est pas câlin. Un chat. Donc, la main repasse pour son équipe. 10 secondes d'information capitale. C'est un prédateur, c'est pas un prédateur. C'est moyen, on peut dire. Moyen quoi ? Ça lui sert de... Qu'est-ce qui lui sert ? De vêtements chauds. Ça lui sert peut être décoratif dans un appartement. Qui ça lui sert. Ça lui sert à qui? À l'animal? Ça peut être un renard quand un décoratif dans un. C'est câlin, c'est très câlin, un renard. Ah oui, mais bah, avec Maurice, tu sais. Et vous êtes bon, rien. Je vous traiterai de tous les noms après. Bon alors Bob, une réponse au hasard. Non, il faut faire avancer les choses. Ah, au hasard. Un ficus. Un tigre. Tu un sais, tigre, oui, c'est très câlin, c'est vrai. Non. Pour faire un tapis. Ah, une loutre. Ah, c'est câlin. C'est câlin, une loutre. C'est très câlin. Non, ce n'est pas une loutre. Moi, je suis sorti avec une loutre. Allez, pendant 2 ans. Là, cette fois-ci, il faut 10 secondes. Françoise, compte sur toi, Maurice. Vous êtes vraiment allez, hein. Bah, attends, excuse-moi. Oui, non, mais, oui, non, mais même si c'est pas à nous que tu dis ça, t'as vu tes amis, c'est à la con aussi. Eh oui. Je sais ce que c'est. Ah, alors, c'est l'équipe adverse. Oui, vas-y. Stop, on peut en trouver de races différentes. Oui, bien sûr. C'est difficile maintenant. Parce que t'as tout donné là. C'est ça. Là vous avez races différentes. C'est au début que les explications. Un chien alors. Oui non mais c'est Maurice en fait, je te rappelle. Un lapin. Moi je dirais un chien plutôt. Un chien. C'est câlin un chien. C'est câlin un chien. Oui c'est câlin un chien. C'est câlin un chien. Ou alors. Ah. Ou alors. Oh. Ah il sera capable hein. C'est vrai. Il sera capable. Oui mais si c'est oui. Moi ce que j'ai peur c'est que ce soit un animal qui ne connaît pas. Comment il peut dire qu'il est câlin s'il ne le connaît pas? Bah oui. Ah bah parce que c'est Maurice. C'est Maurice. Vous avez même pas écouté les réponses. Quand même, il vous a dit des choses. Moi, je dirais ça. Tout à l'heure, il vous a quand même dit que c'était décoratif. Hein. Oui. Oui, mais c'est Maurice. Moi, je dis. On dit ça ? Allez. On dit un chaton. Non. Non. Bon. On sait pas. C'est un animal sauvage ? Ça peut être un animal sauvage qu'on trouve câlin, qui a différentes couleurs, je répète. Mais là, tu nous dis rien, là. Là, tu nous as rien Bob, dit, là. Eh oui, non, mais Bob, pas... ça pourrait être un ça pourrait être un lapin. Ça peut être un lapin, oui. C'est câlin, lapin. Et ça sert de... En décoration, c'est En décoration, comment tu le mets en décoration? Non, c'est pas un lapin. Ah bah si, parce que tu peux le poser. Ça, j'ai non, quand même plus. Dit un vêtement aussi. Ah oui, ça, ah, on oui, ah, il l'a dit. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Bah, un loup, ça n'a pas... Il a dit tout à l'heure que c'était un vêtement. Ça pouvait être un vêtement. Bah, y a des oui, oui, oui, ça peut être un manteau, oui. Et on en fait des manteaux. Ah. On fait des manteaux de lapin, des manteaux oui. de loup. Ah, ben bah, si c'est un comment. Ah, comment ça s'appelle là, un hamster, il en faut beaucoup pour faire un. Le vison, c'est super câlin, ah, le vison. C'est super câlin, ça te bouffe la moitié de la jambe. Ah, oui, oui, oui. T'approches ton doigt, il te bouffe le doigt. Ah, hein. Bon, moi, j'en sais rien, moi. Lui, non, c'est pas un vison, c'est pas possible. C'est un prédateur, un vison. Bon, bah alors. Bah oui, ça peut être dégueulasse. Bon, alors, là, attendez. Moi, à votre place, j'aurais déjà trouvé, hein. Ah ouais. Ah oui. Oh, tu parles. Non, il faut une réponse parce que là sinon. Un lapin ? Non, ce n'est pas un lapin. Alors 10 secondes supplémentaires, écoutez bien ces informations qui sont primordiales. Alors, comme mon équipe demande qu'avant dire stop, ça mange des croquettes qui est très indifférent. Vous avez déjà proposé un chat et un chien. Je vous rappelle qu'il a dit un chaton aussi. Oui, vous avez aussi dit un chaton. Mange des croquettes. Le furet mange des croquettes. Un chiot ? Un chiot. Et oui, ce qui était très important. Ah non, on ne peut pas faire des manteaux non. avec les chiens. Voilà. Alors, alors. Hi, Dudley. Eh, avec tout ce qui vous donnez, c'est quand même pas de peau de trouver. Alors, moi je n'ai. Oh, c'est pas de peau. C'est un indice, ça, c'est pas de peau. Ça, c'est un indice. C'est pas de peau, c'est un indice. Hein ? De la peau de couille ? Une peau de lapin, alors, à ce moment-là. Une peau de lapin. Alors, vous proposez ? Une peau de lapin. Non ! Oh, putain, la main repasse et là Bob, alors, si vous ne trouvez pas, je me les bouffe. On ne sait pas si ça fait 3 cm. Mais, les 10 secondes sont parties là. Stop. La dimension, ça peut être de 10 à 25 cm. On peut le mettre par terre devant une cheminée. 10 cm Non, j'ai dit entre 10 une taupe. Et... Ah non, il m'a dit entre 10, c'est ça. Ah oui. Et 20 cm. Ah oui. Et 25, c'est ça. Oui, oh. C'est un tout petit animal. Non, chez Maurice, c'est un fantasme. 20 cm, allez. C'est ça. Alors, oui, non, mais la dimension, on s'en fout. Oui. On s'en fout de la dimension. Bah non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout parce pas. Parce que si c'est une vache, ça fait pas 20 cm. Mais oui, si ça fait un mètre de long, ça n'a rien à voir. J'ai dit qu'on pouvait la mettre par terre. Alors, bah, vache, tous les animaux vont tous par les animaux, terre. Tu peux les mettre par terre. On peut mettre un veau, enfin une peau de veau là par terre. Alors, vous dites. Là, vous l'avez, là. Non, mais non, on l'a pas. Bah non, on l'a pas. Un renard ? Non. Ça, c'est pas câlin. Qu'est-ce que c'est qui mange des croquettes ? Câlin. Ils ont dit un chaton, une peau de chaton. Alors, c'est une peau... Attends, s'il dit chien... Peau de chaton. Attends, c'est bon. T'as vu une peau de chaton, toi ? Une peau de chaton. C'est l'animal qu'il faut trouver. Nous, on a dit chat. Ah. Non, c'est nous qui l'avons dit. Non, c'est eux. Alors, vous me dites. Une peau de... Une peau de zob. Voilà. 20 cm. Alors Bob, tiens une peau de chèvre. Ah, disons, non, ça va sentir bon dans la maison, hein. Une peau de chat. Une peau de chat. Une peau de chat. Eh oui. Oh là, mais quelle horreur! Ils l'ont dit, le chat. Oui, non, mais ils ont pas dit la peau. Associé peau de chat. Et alors, le mot interdit. Félin. Non, je dirais cuir. Non. Non, non. Alors, je peux le dire. Oui. Domestique. Ah. Maurice, j'aimerais bien que tu me dises quelle est la morue que tu connais qui porte un manteau en peau de chat. Oui. Malgré tout ça, il a quand même réussi à vous faire trouver. C'est bah, cool. Nous, on s'en va. De toute façon, on revient plus à la semaine. Non, non, il faut que tu restes car Frédéric va nous le sortir. Ah oui. En fin d'émission, toutes les semaines. C'est vrai le que sort. Moi, c'est ici que je le sors toutes les semaines. Oui. Oui, oui. Mais les jeunes filles peuvent rester aussi car il craignent tout, rien. Car il est tout petit. Enfin, c'est un petit quiz. Ah. Voilà, un petit quiz préparé par Frédéric. C'est juste après la pause. Et toujours avec Françoise et Loïc de la pièce Mes ex et mes potes. Ouais. Retour, on va se marrer. Maurice a donc profité de la pause pour ranger son pot de chat. J'ai la peau de chat qui m'est restée en travers de la gorge. Maintenant, j'ai un chat dans la gorge. Oh, que c'est drôle. Alors, Henri, je te parle plus. Frédéric. Oui, c'est moi. Il n'y a pas un petit quiz, là? Ben si. Ah. Il y a un petit quiz et c'est un quiz Je ne t'aime plus. Ah. Huit interprètes à trouver. C'est les interprètes, le nom des interprètes qu'il faut trouver, qui disent à un moment dans l'extrait Je ne t'aime plus. Bob, le premier extrait. Alors tu ne te trompes pas cette semaine. Le premier extrait, c'est le jingle. Oh, bravo, Bob. Bravo. Allez, Bob gagne une peau de chat. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça claquait dans l'air comme mon coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus. Mais attends, tu peux comprendre ma belle. Ça ne fait que 3 ans. T'es taré, t'es trop speed. Trop triste pour moi. Ma chérie, je ne t'aime plus. Etc, etc. Je ne t'aime. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je ne t'aime plus comme avant. Je ne t'aime. Parce que rire avec toi m'est vraiment impossible. Et parce qu'au jour le jour tes sentiments vacillent. C'est vrai, je ne t'aime plus. Si tu veux que je ne t'aime plus, ne change rien. Tu verras la vie continue et s'arrange avec l'inconnu. Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Ah, j'avais prévenu que cette semaine, ça serait très difficile. Ah oui, voilà. Alors, Françoise, t'en as combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dis donc, ah, pas mal. Excellent. Loïc. Ah pareil, ouais. J'en ai 5. Ah bah on fait comme Maurice, on la décompose. Une bonne chère. Bob, le premier extrait. Le jingle. Ah bah là tu me pièges. Oh, c'est la nosognosie. Ah bon? C'est le jingle, Bob. Ah bah oui. Ah. Bah faut l'envoyer, non? Ouais. Alors, le premier. On laisse répondre aux invités d'abord, bien sûr. Alors ? Moi, j'aurais dit Kali. Oui. Oh, bravo. Ah oui, t'avais raison. C'est long. Diams. Bien. Oh. Ah. Ah, je crois que Philippe l'a, le 3. Hein. Vous, les invités, oui, n'ont pas. Oui, je l'ai. C'est qui ? M. Pokora. Ah, bien. Oh, comment M. Pokora. Je ne connais pas. C'est ? Je suis le fils de Dalida. Ah. Oui, c'est ce que j'ai marqué. Elle est à peu près tous les deux quiz, Dalida. Elle revient à peu près tous les 15 jours. Alors après, c'est très difficile parce que c'est difficile de reconnaître quelqu'un quand il qui gueule d'habitude, quand il gueule pas. C'est celui qui chantait « J'ai attrapé un coup de soleil ». Pas du tout. Merde. Garou. Oui, c'est bravo, vrai. Philippe. Ouais, bravo. Très bien, ouais. Bravo. Alors ça, c'est plus Jérôme. La génération. Ça, c'est Christophe. Ah, Christophe. Ah, oui. Bon, ça, c'est ouais, facile. Plus Manu Chao, ils l'ont dit. Paris. C'est Léo. Ferré. Léo Ferré. Bravo, ouais, Bob Jingle. Oh. Bon, moi je propose quand même qu'on applaudisse nos invités, ouais, qui ont été brillants, ouais, sur ce jeu. Merci. Et donc, hey. Comment? Oh, hey, hey. Oui. Les acclamations. Ah, mais j'ai oublié les acclamations de Don Salus. Ah, quand même. Alias Frédéric Coster qui l'a préparé. Donc, monsieur est riche. Monsieur est beau. Puisque vous avez été sage, voici la dernière tournée de blagues. Ah merde. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors une petite mignonne, GG. Hein. Oui, oui, elle est courte, mais... elle est courte, comment mais appelle-t-on une blonde qui a le, qui a le diabète? Personne ne sait, c'est une tarte au sucre. Ouais. Et ça fait rire Françoise qui est blonde, on le précise pour nos auditeurs. Hein. La postière dit à Charlotte, cette lettre est trop lourde, il faut ajouter un timbre de 0,50 centimes. Oui, mais si j'ajoute un timbre, elle sera encore plus lourde. Un jour, faudra qu'on filme, parce que j'adore quand Maurice est content de sa blague et qu'il prend sa pose de reine-mère. Elle sera encore plus lourde. Alors, définition. Ah, imprimeur. Comment ? Imprimeur. Oui. C'est un homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire bonne impression. Oh. Laine vierge. Ah merde, il y en a une autre. Eh oui, il y en a une autre. Laine vierge. C'est la laine d'un mouton qui court plus vite que le berger. Ah. Bon, pour les amateurs de foot, il y en a autour de cette table. C'est de foot. Ah, foot. Oui. Est-ce que vous savez comment on fait pour voir les bleus gagner? Non. On regarde Avatar. Alors, c'est un fonctionnaire qui a son travail. Et voilà, il est là. Et à un moment, il y a une araignée qui sort de son bureau. Ah. Et qui commence à se balader sur une énorme araignée qui se balade sur le bureau. Et celle qui est sur ton casque. Voilà. Connard. Et il va pour l'écraser. Et puis en fin de compte, il la laisse passer, il ne l'écrase pas. Et alors, l'araignée se transforme en superbe fée. Et il lui dit, très bien, tu m'as épargné, tu auras 3 vœux. Alors, le fonctionnaire, il réfléchit, il dit, je vais être sur une plage avec les 1000 plus belles filles de la Terre. Tac! Et immédiatement, il se retrouve sur une plage du Pacifique, entouré de 1000 superbes filles. Ah, très bien. Quel est ton deuxième vœu? Je voudrais de la bière jusqu'à la fin de ma vie. Il y a des fûts à perte de vue remplis de bière, etc. Et quel est ton dernier vœu? Je voudrais ne plus rien faire de ma vie. Et tac, il se retrouve à son bureau. Alors, une très légère. Qu'est-ce qui est mignon, petit, bleu et qui crache des copeaux? Maurice. Ah, non. Non, c'est le... Une peau de chat. Non. Une peau de chat. Mais non, mais pas du tout. La schtroumpfette qui taille une pipe à Pinocchio. Alors un homme demande à sa femme... Françoise, on compte sur toi, c'est la dernière blague de l'émission. Oui. Un homme demande à sa femme, « Dis-moi, chérie, si mon père ne m'avait pas légué sa fortune, est-ce que tu m'aurais quand même épousée ?»« Évidemment, mon amour, voyons, mais je t'aurais épousée même si c'était quelqu'un d'autre qui te l'avait légué. » Ah non, c'est bien. C'est bien pour finir. Bien, oui. Elle est pas Alors, seule. Je jette un petit coup d'œil sur les points très rapides. Oh, oui. Je vous emmerde avec tes rapide. Points. Mais très rapide, oui, GG. Ça va être vite fait. Donc, malheureusement, je dois dire que l'équipe des Trois Grâces cette semaine. Ah non. L'équipe des Trois Grâces. Ah oui. N'a marqué que 2 points, ce qui est quand même malheureux. Donc, je crois que définitivement, vous avez donc perdu la peau de chat. On l'offrira à l'équipe des Blondes. Ouais Bon, eh bien, on va les applaudir encore une fois. Allez, merci à toute l'équipe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'émission, il y a la page Facebook avec les photos de nos invités et puis les liens pour les retrouver aussi sur leur propre page Facebook. Il y a le podcast sur iTunes et puis les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. La boîte de Maurice pour les mails. C'est radio.com. ovsm@gmail.com. Bravo. C'est parfait. Merci de votre patience et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ouais.